J'ai la gerbe, nerf tendu, je suis en sueur. J'ai de l'eczéma, mon poing serré par la fureur. Bordelé, c'est vendu, c'est suceur, c'est grande gueule de malheur. Fasciste, antisémite, mytho, vaniteux, la raclure au squelette épineux. Bordelé, debout sur un tabouret, à 2 mètres du parquet. Au signal shooté dans le support, pour que tous ces porcs suent leurs conneries par tous les ports. Intolérance, sponsor, pierre de leur sort, un cul qui pète fort. J'contiens la bête dans un mal c'est fort. Mais un jour, face à ma chaîne son, ils supplieront qu'ils ont tort. Trop tard, leur cou je tordrai jusqu'à la mort. Robocop, anti-fanfaron, MC chasseur de tête de con. Aucune qualification, ma réflexion, mon beat et mon crayon. Assassinat verbal, soutien musical sale. Prenez peur, crevez la dalle. RG politico pointeur, la sodomie lyricale soulève les auditeurs. Bandez-les haut et court. Cette fois c'est leur tour. La population en attente de mise à jour. Bandez-les, tuez-les pour la mise en cordia impliquée. Bandez-les haut et court. Cette fois c'est leur tour. La population en attente de mise à jour. Bandez-les, tuez-les pour la mise en cordia impliquée. L'humanité est perchée, va falloir redescendre. Car anti est cervelé, je refuse de dépendre. Mets-toi sur mon chemin, je vais devoir te pendre. Calciner ton corps et me branler sur tes cendres. Vous m'avez cherché, j'arrive plus à me détendre. Mon âme est agressée, mais je refuse de me rendre. Si tendre est ta chair et ma raison, je perds. Je sers ta sale femme, elle aime se faire prendre. Petit homme, les gens dans la rue vont descendre. Tu connais la suite, ton crâne, ils vont fendre. Résiste à ma corde, moi j'ai lâché ma horde. Ensemble tout est possible, mec, j't'ai pris pour cible. J'veux plus les voir, bandez-les. Ces mecs qui ont tout vu, tout fait. La science infuse n'est pas une sensation, juste un effet. Avec eux, pas la peine de débattre. C'est toujours, oui mais non mais. Le monopole de la bonne parole, la vanité qui caracole. Ils traînent ça comme des casseroles. Mais dans des choses, on les saigne quand j'rigole. Des a priori surtout, des préjugés sur tout le monde. Étiquette collée en 3 secondes. Délit faciès, hey. Tu vis pas dans leur monde. Tant mieux tu me diras. Gratter le cul jusqu'à l'os. Son canapé devant la déloche. Oh. Chaîne 1 Sarkozy pour la politique. Chaîne 2 Laurent Gérard pour le comica. Même les chips sont empoisonnés, marinés avec la sueur des colonisateurs. Chromosomes de dictateurs. La haine dans les gènes héréditaires. Moi je vais pas me gêner pour les faire taire. Bandez-les haut et court. Cette fois c'est leur tour. La population en attente de mise à jour. Bandez-les, tuez-les pour la mise en cordia impliquée. Bandez-les haut et court. Cette fois c'est leur tour. La population en attente de mise à jour. Bandez-les, tuez-les pour la mise en cordia impliquée. J'ai tout un stock de cordes car s'annonce la révolte. Des têtes vont tomber, la mort prépare sa récolte. Je suis son envoyé et le message est clair. Bandez-les haut et court tous ces bâtards pervers. Depuis que le nain au temps long est passé, ça fait au moins 30 millions d'ennemis. Bandez-les. Je déteste clairement l'être humain. Je pense que l'homme est une peste, en serait son vaccin. Nombreux sentent menacés, bandez-les. Et j'attendrai que leur corps sèche pour les détacher. Moi mes mains sont tachées, je t'avouerai que si je trouve plus mes corps, je prépare le bûcher. J'ai un côté bouché, légèrement prononcé. J'aurai aucune pitié, je crois que tu l'as mérité. J'ai trop pris sur moi et j'explose. Je frôle l'overdose, en est assez. Pendez-les. Et si ça suffit pas, hachez-les, crevez-les. On va marquer l'histoire à l'encre ensanglantée. Je serais tenté de te dire que demain sera pire. Que les gros vont grossir et qu'ils volent à tirer. Alors cire des bombes, bombes des cires. Moi tu sais ce que je pense et au placé. Moi je ne serai jamais pendu, je ne me suis jamais rendu. Et quiconque me jette la pierre sera pendu. Bandez-les haut et court. Cette fois c'est leur tour. La population en attente de mise à jour. Bandez-les, tuez-les pour la mise en cordia impliquée. Bandez-les haut et court. Cette fois c'est leur tour. La population en attente de mise à jour. Bandez-les, tuez-les pour la mise en cordia impliquée.